Il est fou évidemment et se mettra à chanter. Il se repaît de sa torpeur d'être humain bien codifié. Il a le corps impulsif et le cerveau capitonné. Des éléments compulsifs qui lui semblent impossibles à chasser. Il a le sens de la défaite car il la connaît par cœur. Il a pas peur, il répète, de sa vie veut rester l'auteur. Il a le sens des compromis car il les connaît trop bien. Il a d'ailleurs quelques amis dont il esquive les coups de poing. Les coups de poing. Il a pas trop les pieds sur terre et ne s'en excusera pas. Ne s'en excusera pas. Yeah. Il a pas trop les pieds sur terre et ne s'en excusera pas. Car il sait bien qu'on exagère, que la vie ne fait pas la para. Il a le cerveau en ébullition, c'est pas des neurones, c'est de la gadoue. Il sème ses réflexions, essaye de les planter un petit peu partout. Il est farfelu, c'est vrai, mais s'en accommode parfaitement. Il a le rire paratonnerre et dans son chapeau quelques francs. Il a pas trop les pieds sur terre. Et ne s'en excusera pas. Il sait que sa condition est celle de tous les humains. Il le sait. Ça c'est sûr, mais ça ne le rassure en rien. Il se sent comme une rature au bon milieu de la dictée de la vie. Comme un peu de blanco passé cachant ce qu'on nous falsifie. Il est fait pour endurer, mais faut voir tout ce qu'on lui ment. Il aimerait pouvoir trouver plus de respect, mais il n'y en a pas vraiment. Il a perdu ses illusions. Le gosse en lui n'y survit pas. L'air du temps est irrespirable, nauséabond sont les pourquoi. Il s'enferme sur sa carcasse et jette à la mer la clé. Mais même ça c'est inefficace pour obtenir enfin la paix. Il s'en comptable sur sa caboche comme pour le faire sortir d'ici. À coup de pute, à coup de pioche. Et ça réveille ses insomnies. Il sort d'un coup de lui-même et s'aperçoit qu'il est deux. Cette ubiquité non demandée commence forcément à le rendre nerveux. Il prend ses deux têtes à bras le corps pour les enfouir dans ses mains. Perd autant le sud qu'il perd le nord sur sa boussole du destin. Y'a que des questions dans le cortex et rien pour y répondre, à part ses deux têtes en une seule, et lui paumer dans son petit monde. Alors, les potes, il les oublie, fracasse les souvenirs déplaisants, et se fait sa petite thérapie en poème et musicalement. Il vous emmerde, il vous ignore, il s'occupera maintenant de lui. Il vous trouve con et le déplore au vu de ce qu'il vous a donné jusqu'ici. Il vous trouve con et le déplore au vu de ce qu'il a partagé avec vous jusqu'ici.